Chapitre 1er, sur l'eau. Par une brûlante journée du mois d'août 1862, un petit steamer sillonnait paisiblement les eaux brunes du Minnesota. On pouvait voir entassés pêle-mêle sur le pont, hommes, femmes, enfants, caisses, malles, paquets, et mille inutilités indispensables à l'immigrant, aux voyageurs. Les bordages du paquebot étaient couronnés d'une galerie mouvante de têtes agitées, qui toutes se penchaient curieusement pour mieux voir la contrée nouvelle qu'on allait traverser. Dans cette foule aventureuse, il y avait les types les plus variés. Le spéculateur froid et calculateur, dont les yeux brillaient d'admiration lorsqu'il rencontrait la grasse prairie au riche aspect et les splendides forêts bordant le fleuve. Le français vif et animé, l'anglais au visage solennel, le pensif et flegmatique allemand. L'Écossais à la mine résolue, aux vêtements bariolés de jaune, l'Africain à peau d'ébène. Une marchandise de contrebande, comme on dit maintenant. Tous les éléments d'un monde miniature s'agitaient dans les trois navires, et avec eux, passion, projet, haine, amour, vice, vertu. Sur l'avant se tenaient deux individus, paraissant tout particulièrement sensibles aux beautés du glorieux paysage déployé sous leurs yeux. Le premier était un jeune homme de haute taille, dont les regards exprimaient une incommensurable confiance en lui-même. Un large panama ombrageait coquettement sa tête, un foulard blanc, suspendu avec une savante négligence derrière le chapeau, pour abriter le cou contre les ardeurs du soleil, ondulait moelleusement au gré du zéphyr. Une orgueilleuse chaîne d'or, chargée de breloques, s'étalait fulgurante sur son gilet. Ses mains, ganté finement, était plongé dans les poches d'un léger et adorable paletot, encouti blanc comme la neige. Il portait sous le bras droit un assez gros portefeuille rempli d'esquisses artistiques et croquis, exécutés d'après nature, au vol de la vapeur. Ce beau jeune homme, si aristocratique, se nommait M. Adolphus Halleck, dessinateur paysagiste, qui remontait le Minnesota dans le but d'enrichir sa collection de vues pittoresques. Les glorieux travaux de Bierstadt sur les paysages et les mœurs des montagnes rocheuses avaient rempli d'émulation le jeune peintre. Il brillait du désir de visiter, d'observer avec soin les hautes terres de l'Ouest et de recueillir une ample moisson d'études sur les nobles montagnes, les plaines majestueuses, les lacs, les cataractes, les fleuves, les chasses, les tribus sauvages de ces territoires fantastiques. Il était beau garçon. Son visage un peu pâle, coloré sur les joues d'un ovale distingué, annonçait une complexion délicate mais aristocratique. On aurait pu le considérer comme un gandin. Cependant, il affichait de grandes prétentions à l'élégance et possédait au grand complet les qualités sterling d'un gentleman. La jeune lady, qui était proche de Sir Halleck, était une charmante créature, aux yeux animés, aux traits réguliers et gracieux, mais pétillant d'une expression malicieuse. Évidemment, c'était un de ces esprits actifs, piquants, dont la saveur bizarre et originale les destine à servir d'épices dans l'immense ragoût de la société. Miss Maria Allondale était cousine de Sir Adolphus Halleck. « Oui, Maria, » disait ce dernier, en regardant par-dessus la tête de la jeune fille, les rivages fuyant à toute vapeur. « Oui, lorsque je reviendrai à la fin de l'automne, j'aurai collectionné assez de croquis et d'études pour m'occuper ensuite pendant une demi-douzaine d'années. Je suppose que les paysages environnants vous paraissent indignes des efforts de votre pinceau, répliqua la jeune fille en clignant les yeux. Je ne dis pas précisément cela. Tenez, voici un effet de rivage assez correct. J'en ai vu de semblables à l'académie. Si seulement il y avait un groupe convenable d'indiens pour garnir le second plan, ça ferait un tableau, oui. Vous avez donc conservé vos vieilles amours pour les sauvages ? Parfaitement. Ils ont toujours fait mon admiration depuis le premier jour où, dans mon enfance, j'ai dévoré les intéressantes légendes de bas de cuir. J'ai toujours eu soif de les voir face à face, dans leur solitude native, au milieu de calmes montagnes où la nature est sereine, dans leur pureté de race primitive, exempte de contact des blancs. Oh, ciel, quel enthousiasme ! Vous ne manquerez pas d'occasion, soyez-en sûr. Vous pourrez rassasier votre soif d'homme rouge. Seulement, permettez-moi de vous dire que ces poétiques visions s'évanouiront plus plus promptement que l'écume des eaux bouillonnantes. L'artiste secoua la tête avec un sourire. Ce sont des sentiments trop profondément enracinés pour disparaître aussi soudainement. Je vous accorde que, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gredins et des vagabonds. Mais n'en trouve-t-on pas chez les peuples civilisés? Je maintiens et je maintiendrai que, comme race, les Indiens ont l'âme haute, noble, chevaleresque. Ils nous sont même supérieurs à ce point de vue. Et moi, je maintiens que je maintiendrai qu'ils sont perfides, traîtres, féroces. C'est une repoussante population qui m'inspire plus d'antipathie que des tigres, des bêtes fauves, que sais-je. Vos sauvages du Minnesota ne valent pas mieux que les autres. Alec regarda cependant quelques instants avec un sourire malicieux sa charmante interlocutrice qui s'était extraordinairement animée en finissant. « Très bien, Maria, vous connaissez mieux que moi les indigènes du Minnesota. Par exemple, j'ose dire que la source où vous avez puisé vos renseignements laisse quelque chose à désirer sur le chapitre des informations. Vous n'avez entendu que les gens des frontières, les borders, qui eux aussi sont sujets à caution. Si vous vouliez pénétrer dans les bois de quelques centaines de milles, vous changeriez bien d'avis. » Ah, vraiment, moi changer d'avis? Faire quelques centaines de milles dans les bois? N'y comptez pas, mon beau cousin. Une seule chose m'étonne, c'est qu'il y ait des hommes blancs assez fous pour se condamner à vivre en de tels pays. Oh, je devine ce qui vous fait rire, continua la jeune fille, en souriant malgré elle. Vous vous moquez de ce que j'ai fait tout l'été, précisément ce que je condamne. Eh bien, je vous promets, lorsque je serai revenu chez nous à Cincinnati, cet automne, que vous ne me reverrez plus traverser le Mississippi. Je ne serai point sur cette route si je n'avais promis à l'oncle John de lui rendre une visite. Il est si bon que j'aurais été désolé de le chagriner par un refus. L'oncle John Brennert n'était pas en réalité parent aux deux jeunes gens. C'était un ami d'enfance du père de Maria Allendale, et toute la famille le désignait sous le nom d'oncle. Après s'être retiré dans la région de Minnesota en 1856, il avait exigé la promesse formelle que tous les membres de la maison d'Allendale viendraient le voir ensemble ou séparément lorsque son settlement serait bien établi. Effectivement, le père, la mère, tous les enfants mariés ou non, avaient accompli ce gai pèlerinage. Seule Maria, la plus jeune, ne s'était point rendue encore auprès de lui. Or, en juin 1862, Monsieur Allendale l'avait amené à Saint-Paul, l'avait embarqué et avait avisé l'oncle John de l'envoi du gracieux colis. Ce dernier l'attendait et se proposait de garder sa gentille nièce tout le reste de l'été. Tout s'était passé comme on l'avait convenu. La jeune fille avait heureusement fait le voyage et avait été reçue à bras ouverts. La saison s'était écoulée pour elle le plus gracieusement du monde, et parmi ses occupations habituelles, une correspondance régulière avec son cousin Adolphe n'avait pas été la moins agréable. En effet, elle s'était accoutumée à l'idée de le voir un jour son mari, et d'ailleurs, une amitié d'enfance les unissait tous deux. Leurs parents étaient dans le même négoce. Les positions des deux familles étaient également belles. Relations, éducation, fortune, tout concourait à faire présager leur union future, comme heureuse et bien assortie. Adolphe Alec avait pris ses grades à Yale, car il avait été primitivement destiné à l'étude des lois. Mais, en quittant les bancs, il se sentit entraîné par un goût passionné pour les beaux-arts, en même temps qu'il éprouvait un profond dégoût pour les grimoires judiciaires. Pendant son séjour au collège, sa grande occupation avait été de faire des charges, des pochades, des caricatures si drôlatiques que leur envoi dans sa famille avait obtenu un succès de rire inextinguible. Naturellement, son père devint fier d'un tel fils. L'orgueil paternel se communiqua au jeune homme. Il fut proposé par lui et décrété par toute la parenté qu'il serait artiste. On ne lui demanda qu'une chose, de devenir un grand homme. Lorsque la guerre abolitionniste éclata, le jeune Alec bondit de joie, et, à force de diplomatie, parvint à entrer comme dessinateur expéditionnaire dans la collaboration d'une importante feuille illustrée. Mais le sort ne le servit pas précisément comme il l'aurait voulu. Aux premiers engagements, lui, ses crayons et ses pinceaux furent faits prisonniers. Heureusement, il se rencontra dans les rangs ennemis avec un officier qui avait été son camarade de classe à Yale. Alec fut mis en liberté et revint au logis bien résolu à chercher désormais la gloire partout ailleurs que sous les drapeaux. Les pompeuses descriptions des glorieux paysages du Minnesota que lui faisait constamment sa cousine finirent par décider le jeune artiste à faire une excursion dans l'Ouest. Mais il fit tant de stations et chemina à si petites journées qu'il mit 2 mois à gagner Saint-Paul. Cependant, comme tout finit, même les flâneries de voyage, Alec arriva au moment où sa cousine quittait cette ville, après y avoir passé quelques jours, et il ne trouvera rien de mieux que de s'embarquer avec elle dans le bateau par lequel elle effectuait son retour chez l'oncle John. Telles étaient les circonstances dans lesquelles nos jeunes gens s'étaient réunis, au moment où nous les avons présentés au lecteur. « D'après vos lettres, l'oncle John jouit d'une santé merveilleuse, » reprit l'artiste après une courte pause. « Oui, il est étonnant. Vous savez les craintes que nous concevions à son égard, lorsqu'après ses désastres financiers, il forma le projet d'émigrer il y a quelques années. Mon père lui offrit des fonds pour reprendre les affaires. Mais l'oncle persista dans ses idées de départ, disant qu'il était trop âgé pour recommencer cette vie-là, et assez jeune pour devenir un homme des frontières. Il a pourtant 50 ans passés, et sur 7 enfants, il en a 5 de mariés. 2 seulement sont encore à la maison, Will et Maggie. Attendez un peu, il y a quelque temps que je n'ai vu Maggie. Ça commence à faire une grande fille. Et Will aussi. Il y a 2 ans, c'était presque un homme. Maggie est dans ses 18 ans. Son frère a 4 ans de plus qu'elle. Sans y songer, Adolphe regarda Maria pendant qu'elle parlait. Il fut tout surpris de voir qu'elle baissa les yeux et qu'une rougeur soudaine envahit ses joues. Ces symptômes d'embarras ne durèrent que quelques secondes. Mais Alec les avait surpris au passage. Cela lui avait mis en tête une idée qu'il voulut éclaircir. « Il y a un piano, si l'oncle John, je suppose ?» demanda-t-il. « Oh oui, Maggie n'aurait pu s'en passer. C'est un vrai bonheur pour elle. » « Naturellement. Ces 2 enfants-là n'ont pas à se plaindre. Ils ont une belle existence en perspective. Will a-t-il l'intention de rester là et de suivre les traces de son père ?»« Je ne le sais pas. Il me semble qu'il a dû vous en parler. » Tout en parlant, il regarda Maria en face et la vit rougir, puis baisser les yeux. L'artiste en savait assez. Il releva les yeux sur le paysage d'un air rêveur et continua la conversation. « Oui, le petit Brainerd est un beau garçon. Mais, à mon avis, il ne sera jamais un artiste. A-t-il fini son temps au collège ?»« Dans 2 ans seulement. » »« Quel beau soldat cela ferait. Notre armée a besoin de pareils hommes. » »« Oui, il a fait ses preuves. Il a passé bien près de la mort à la bataille de Bull Run. La blessure qu'il a reçue en cette occasion est à peine guérie. »« Diable, c'était sérieux ? » ?»« Quel était son commandant ? Stonewall, Jackson ou Beauregard ?» Adolphe Alec. L'artiste baissa la tête en riant pour esquiver un coup de parasol que lui adressait sa cousine furieuse. « Tenez, Maria, voici ma canne. Vous pourriez casser votre ombrelle. »« Pourquoi m'avez-vous fait cette question ?»« Pour rien, je vous l'assure. » La jeune fille essaya de le regarder bravement, sans rire et sans rougir. Mais cette tentative était au-dessus de ses forces. Elle baissa la tête d'un air mutin. « Allons, ne vous effarouchez pas, cher, » dit enfin le jeune homme avec un calme sourire. « Ce petit garçon est tout à fait honorable, et je serai certainement la dernière personne qui voudrait en médire. Mais revenons à notre vieux thème. Les sauvages, en verrai-je quelque peu pendant mon séjour chez l'oncle John ? Cela dépend des quantités qu'il vous en faut pour vous satisfaire. Un seul, pour moi, c'est beaucoup trop. Ils rôdent sans cesse dans les environs. Vous ne pourrez faire une promenade sans les rencontrer. » Alors je pourrai en portraiturer 2 ou 3 ? Sur ce point, voici un renseignement précis. Prenez un des plus horribles vagabonds des rues de New York, passez-lui sur le visage une teinte de bistre cuivré, mettez-lui des cheveux blonds retroussés en plumet et liés par un cordon graisseux, affublez-le d'une couverture en guenille, vous aurez un indien Minnesota pur sang. Et les femmes, en est-il de même ? Les femmes ? Des squaws, voulez-vous dire ? Leur portrait est exactement le même. Cependant, nous sommes dans la région des Dakotas, le pays des beautés, dont parle le poète Longfellow dans son ouvrage intitulé « Hiawatha ». Il est bien possible que ce soit le pays auquel vous faites allusion. Dans tous les cas, c'est pitoyable qu'il ne l'ait pas visité avant d'écrire son poème. Néanmoins, poursuivit la jeune fille, pour être juste, je dois apporter une restriction à ce que je viens de vous dire. les Indiens convertis au christianisme sont tout à fait différents. Ils ont laissé de côté leurs allures et vêtements sauvages pour adopter ceux de la civilisation. Ils sont devenus des créatures passables. J'en ai vu plusieurs, et le contraste frappant qu'ils offrent en regard de leurs frères barbares m'a porté à en dire du bien. Je pourrais vous en nommer Chasqui, Paul, par exemple, qui serait digne de servir de modèle à beaucoup d'hommes blancs. Ainsi, vous admettrez qu'il se trouve parmi eux des êtres humains. Très certainement. Il y en a un surtout qui vient parfois rendre visite à l'oncle John. Il est connu sous le nom de Jim Chrétien. Je peux dire que c'est un noble garçon. Je ne craindrai point de lui confier ma vie en toutes circonstances. Mais enfin, Maria, parlant sérieusement, ne pensez-vous pas que ces mêmes hommes rouges, dont vous faites si peu de cas, ne sont devenus pervers que par la fatale et détestable influence des Blancs, ces trafiquants, ces agents? Je puis vous le refuser. Il est tout à fait impossible aux missionnaires de lutter contre les machinations de ces vils intrigants. Pauvres bons missionnaires, voilà des hommes dévoués. Je vous citerai le docteur Williamson, qui a fourmi une longue et noble carrière au milieu de ces peuplades farouches, se heurtant sans cesse à la mort, à des périls pires que la mort. Tout cela pour leur ouvrir la voie qui mène au ciel. Et le père Rix, qui depuis 35 ans erre autour du lac qui parle, ou Jedan, comme les Indiens l'appellent. C'est un second apôtre saint Paul. Dans les bois, dans les eaux, dans le feu, en mille occasions sa vie a été en péril. Un jour, sa misérable hutte brûla sur sa tête. Il ne put s'échapper qu'à travers une pluie de charbon ardent. Eh bien, il bénissait le ciel d'avoir la vie sauve, pour la consacrer encore au salut de ses chers ouailles. Je suppose que ces pauvres missionnaires sont relevés et secourus de temps en temps dans ces postes périlleux. Pas cela, du moins. Il se croirait indigne de l'apostolat s'il faiblissait un seul instant. Cette lutte admirable, ils la continueront jusqu'à la mort. Pour savoir ce que c'est que le sublime du dévouement, il faut avoir vu de près le missionnaire indien. Ah, voici un changement de décor, à vue dans le paysage. Regardez-moi ça, s'écrie le jeune artiste en ouvrant son album et taillant ses crayons. Je vais croquer ce site enchanté. Vous n'aurez pas le temps, mon cousin. Regardez par-dessus la rive, à environ un quart de mille. Voyez-vous une voiture qui est proche d'un bouquet de sycomores? Elle est attelée d'un cheval. Un jeune homme se tient debout à côté. Adolphe implanta gravement son lorgnon dans l'œil droit et inspecta les bords du fleuve pendant assez longtemps avant de répondre. J'ai quelque idée d'avoir aperçu ce dont vous me parlez. Quel est le propriétaire? Est-ce l'oncle John? Dit-il enfin. Oui, et je pense que c'est Will qui m'attend. Un petit temps de galop à travers la prairie et nous serons arrivés au terme de notre voyage.